fait du grabuge. Il déplace les reliefs d'une. Viens, allons nous cacher dans la brume. Subrepticement dans les reflets d'écume.